Chapitre 1er, la cité de Liverpool. Beau paquebot anglais, cette cité de Liverpool qui fait le service de la côte orientale d'Afrique jusqu'au Cap. Capitaine Pearson, ancien matelot arrivé à force de volonté, ignorant tout ce qui n'était pas son métier, devenu gentleman à fleur de peau, une simple couche de vernis sur un fond brut, exagérant inutilement, ridiculement, les formules de politesse pour devenir grossier à la moindre irritation. Excellent marin. Le second, s'équerrait jeune homme, gourmet, hautain, très infatueux de lui-même, égoïste et dur, n'ayant jamais un mot aimable pour personne. Les passagers sont des Anglais du Cap y retournant ou des émigrants qui y vont s'y établir. On connaît le confort des bateaux anglais, mais on sait quel ton règne dans le salon des premières. Politesse maniérée et rigoureuse, excessive retenue, prétention férocement affichée selon le rang et la fortune, écrasement dédaigneux des moindres, rigoureuse étiquette tenant lieu de savoir-vivre. Parmi ces passagers de première, un gentleman se faisait remarquer par sa haute taille, son nez en bec d'aigle, ses cheveux en coup de vent, son élégance native et son mutisme. Il parlait anglais, mais si peu souvent. Un très léger accent le faisait soupçonner d'être étranger. Il se disait australien de Sydney. Il y retournait, avait-il dit, mais il devait faire un séjour au Dahomey avant de reprendre la mer. C'était tout ce que le capitaine avait pu savoir de lui. Comme il arrive toujours, quand un gentleman ne fait d'avance à personne, tout le monde lui en fait. Quand un homme se tient sur une extrême réserve, il pique la curiosité générale. Oui, cet Australien dont le nom français Dussonville intriguait beaucoup. En passant à Tenerife, il avait occasion de parler espagnol avec un accent biscayen très prononcé. Mais il parlait purement le français. On aurait voulu savoir, mais il était difficile de le questionner. Les saluts indispensables, les gestes polis, des égards à table pour ses voisines, mais c'était tout. Jamais un mot. Quelle que fût la conversation, il ne desserrait pas les dents. Cette attitude avait soudainement indisposé tout le monde contre lui, mais il paraissait n'en avoir nul souci. Il passait ses journées à se promener solitairement sur le pont ou à lire, dans le salon, des livres tirés d'une petite bibliothèque qui lui appartenait. On les voyait en main tantôt du Molière, tantôt du Shakespeare, tantôt du Calderon ou du Camoens. Souvent il tombait dans une longue rêverie, voisine de l'extase. Plusieurs tentatives avaient été faites pour lier connaissance avec lui. Un jeune gentleman avait été assez hardi pour lui demander du feu sur le pont. Dussonville lui avait tendu son cigare en lui disant « Prenez ». Sur ce, il en avait sorti un autre et était allé l'allumer à la corde. On sait que, sur le pont d'un navire, il y a dans une boîte de métal un vieux bout de corde fumant. C'est là que l'on est tenu d'allumer cigare ou cigarette ou pipe avait dévié les incendies. L'Anglais avait été obligé de jeter le cigare de Dussonville à la mer. Une autre fois, Mrs. Kepson, la femme d'un révérend du Cap, envoya sa femme de chambre près de Master Dussonville pour le prier de lui prêter Hamlet, ayant à vérifier qui, des loups de son mari, avait raison dans une discussion sur le texte. Dussonville répondit « C'est impossible, j'ai annoté le livre d'expressions choquantes. » Il ne fut bruit que de ce refus motivé, et les dames déclarèrent que Dussonville était un gentleman no décent. On lui fit grise mine. Ça ne le toucha pas du tout. Alors la révérende commença contre lui une petite guerre qui eut de très grandes conséquences. On avait remarqué que jamais Dussonville ne montait sur le pont pour assister à la prière du soir, dite par le révérend, et toujours suivie de l'hymne national « God save the Queen »,« Dieu sauve la reine », c'était l'usage à bord. Nos lecteurs ne sauraient se faire une idée du respect aveugle et voulu, outrageusement exagéré pour leur reine et pour leur prince, dont les Anglais se complaisent à donner des preuves à tout propos et hors de propos. D'autre part, le bigotisme anglais est d'une intolérance inouïe. Il est admis, de l'autre côté du détroit, que quiconque ne pratique pas rigoureusement une religion, n'importe laquelle, est le dernier des misérables. On dit le bénédicité et les grâces dans les familles anglaises et chaque soir, on fait la prière en commun. Si vous êtes invité à dîner, il faut vous associer à ces momeries sous peine de causer un grand scandale. Ce que ce beau zèle cache de corruption, des procès récents l'ont révélé, mais les Anglais jugent indispensable de se voiler d'hypocrisie. Or, un soir, à dîner, le révérend fit une sortie très claire contre les indifférents en matière de religion. Gens qui poussaient l'oubli des devoirs les plus sacrés jusqu'à dédaigner d'assister à la prière du soir sur le pont d'un navire. C'était intolérable. On approuva fort. Les dames appuyèrent sur la chanterelle avec aigreur. Dussonville se sentit visé. D'une voix ferme et vibrante, il dit « Ce qui est intolérable, c'est votre intolérance. Si je suis d'une autre religion que vous, ou si je suis républicain, comme beaucoup d'Australiens, je ne veux pas chanter le God Save the Queen. De quel droit voulez-vous violenter ma conscience ?»« Mais puisque vous m'avez imprudemment provoqué, je serai sur le pont au moment de la prière ce soir. Vous verrez alors qu'en n'y paraissant pas, je faisais acte de haute convenance. » Cette déclaration produisit un froid qui se manifesta par un profond silence. La banale conversation de table d'hôte, car une salle à manger de paquebot n'est que cela, en fut glacée. On s'attendit à quelque chose. Les dames prirent des airs pincés, le révérend et sa clique s'enfermèrent dans une dignité outrée, le capitaine eut une mine renfrognée de dogue et qui s'apprête à mordre. Le dîner s'acheva presque lugubrement. Cependant les hommes, pour fumer, montèrent sur le pont. Les dames se rassemblèrent dans un coin pour laisser aux garçons le temps de transformer la salle à manger en salon. Elles causèrent beaucoup de l'incident. Toutes blâmaient Master Dussonville et daubaient sur lui. Une toute jeune miss de 14 ans à peine prit sa défense. Oh, combien originalement jolie, et pas anglaise du tout. Elle était de l'île Maurice, autrefois l'île de France, issue d'une vieille famille bretonne, laquelle avait été apparentée à Surcouf et descendait de Duguay-Trouin. C'était une blonde aux splendides cheveux dorés, dont les reflets éblouissaient comme ceux d'un champ de blé mûr, ondulant sous la caresse d'une brise folle. Le teint clair et mat attestait l'origine créole, et la peau, d'un grain très fin, avait des splendeurs de santé adorables. Le caractère général de la figure rappelait un peu vaguement, comme celui de beaucoup de Bretonnes, la tête si expressive de la mouette éclairée par des yeux aux lueurs étranges, voyant l'au-delà de la portée ordinaire du regard. Mais des traits d'une extrême finesse, un charmant sourire, des caresses de forme, certaines originalités, des sautillements d'oiseaux, des hautes envolées de conversation, rendaient Mademoiselle de Pellwehr très séduisante. Sa grâce était originale, sa physionomie singulière, son geste inattendu et toujours significatif. Sa voix avait une vibration extraordinaire, tantôt très douce, tantôt éclatante. Dans ce milieu anglais, terre à terre, où tout était convention et hypocrisie, elle s'ennuyait profondément et protestait souvent, mais inutilement. Elle était comme un oiseau en cage qui se heurte aux barreaux. Si elle faisait une sortie soudaine contre un préjugé anglais, toutes ces dames la réprimandaient avec tant d'indignation qu'elle n'osait le plus souvent exprimer ses idées. Cette compression, ce refoulement, engendrait une exaltation qui devait éclater un jour ou l'autre, mais ce feu intérieur lui donnait souvent des allures et un aspect dont on était frappé. Un jeune Écossais dit un jour « Je l'ai vu hier soir, miss de Pellwehr, sur le pont. » Elle m'est apparue si étrange qu'elle ressemblait à une de ces déesses de la mer dont parlent les légendes norvégiennes. Miss de Pellwehr était flanquée d'une tante qui était une personne d'une bonne patte, mais par trop naïve vraiment, et désolée à 40 ans d'être veuve non remariée. Très honorable certes, très bien élevée, mais prenant trop volontiers les politesses des gentlemen d'un certain âge et libres de leur personne pour des témoignages d'intention matrimoniale. Mrs. Morton était riche, moins toutefois que Miss de Pellwehr. Celle-ci, orpheline de père et de mère, valait, c'est le terme brutal des Anglais, dans les 20 000 livres sterling, soit 500 000 francs en capital, plus une plantation, et de plus, elle avait une sucrerie rapportant, bon an mal an, une 20 000 francs. Un bon parti. Mais elle était si jeune. De plus, en ces Anglais au cœur sec, à l'esprit froid, méthodique, au calcul personnel, au sentiment égoïste, et d'une intempérance cachée qu'elle connaissait, rien ne la charmait. Un subtil instinct lui permettait de pénétrer toutes les hypocrisies. Mais entre elle et Dussonville, il y avait un courant de sympathie. Il la saluait toujours avec une courtoisie évidente et elle lui rendait ce salut avec son meilleur sourire. Souvent, par une exception qui faisait jaunir de dépit les dames et les autres jeunes filles, Dussonville causait longuement avec Mademoiselle de Pellwehr et Mrs. Morton. Si l'on s'approchait, la conversation tombait et la coupure était si nette que l'on sentait fortement le froid que l'on jetait. Les femmes demandaient souvent à Mrs. Morton de quoi elle parlait la veille ou dans la matinée avec le capitaine Dussonville. La pauvre dame semblait bien en peine de l'expliquer. On avait questionné une fois Mademoiselle de Pellwehr, Elle avait répondu très malicieusement. « Chaque fois que j'ai une conversation avec M. Dussonville, il m'enlève un préjugé anglais. » On ne chercha plus à savoir. Or, ce soir-là même, Mademoiselle de Pelloer, voyant que toutes les dames, après le dîner, déchiraient Dussonville à belles dents, prit sa défense. À un certain moment, n'y tenant plus, elle protesta en s'écriant « Il a raison !» Puis avec indignation « Je suis d'origine française, moi, ma tante l'est aussi. » Quoique l'île Maurice soit à l'Angleterre, les Mauriciens ont le cœur français. Et vous nous avez tant tourmentés que malgré ma vive répugnance, j'ai assisté à votre prière du soir et au God Save the Queen, quoique catholique et pas du tout anglaise, en protestant dans mon cœur. Mais M. Dussonville, qui est un homme, ne cédera pas. Avec véhémence, il fera bien. Puis, énergiquement, je n'assisterai plus à la prière avec vous. Il y eut un concert de protestations. Mademoiselle de Pelloer se leva et quitta le salon avec sa tante, celle-ci très fâchée d'une pareille sortie. Quand elles furent sur le pont, Mrs. Morton essaya de faire des reproches à sa nièce, mais celle-ci lui dit « J'éprouve pour le capitaine Dussonville une sympathie dont je ne veux pas me cacher, et je ne veux pas avoir la lâcheté de paraître le désapprouver. » « Le reste de la traversée va devenir bien ennuyeux, » dit Mrs. Morton. « Personne ne nous parlera plus. Nous lirons et nous n'y perdons rien. » « Car la conversation de ces femmes est mortellement ennuyeuse, » dit Mademoiselle de Pelloer, avec une conviction qui n'était que trop justifiée. Sur ce, elle s'assit sur la dunette et se mit à rêver.